L'apparition des troubles. Al-fitan. Le pluriel du mot fitna est fitan, qui signifie épreuve, examen et test. Son utilisation est plus fréquente dans le sens de test en tant que notion de blâmable. C'est alors qu'on l'utilisa pour toute chose blâmable ou qui s'y rapporte, telle que le péché, l'incroyance, le meurtre, la brûlure et toute autre chose détestable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informa que parmi les signes de la fin des temps, figure l'apparition des grands troubles durant lesquels la vérité se mêle au mensonge, de sorte que la foi vacille au point que l'homme se réveillant au matin croyant deviendra la nuit mécréant, et que celui passant la nuit croyant se réveillera au matin mécréant. À chaque fois qu'apparaît un trouble, le croyant dit « Celui-ci sera ma perte », mais il se dissipera. Un autre viendra et il dira « Celui-ci, c'est celui-ci ». Ainsi, les troubles ne cesseront d'apparaître parmi les gens jusqu'à la venue de l'heure. Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura avant la venue de l'heure des troubles tels des parties de la nuit sombre. L'homme se réveillera le matin croyant et sera le soir mécréant, et passera la nuit croyant et se réveillera au matin mécréant. Celui qui est assis sera meilleur que celui qui est debout. Celui qui est debout sera meilleur que celui qui marche, et celui qui marche sera meilleur que celui qui court. Brisez donc vos arcs, coupez les cordes de ces derniers et frappez de vos épées la pierre. Si l'on entre chez l'un de vous, qu'il soit tel le meilleur des deux fils d'Adam. » Rapporté par Ahmed dans son Mousned. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant les troubles tels des parties de la nuit sombre, durant lesquelles l'homme se réveillera au matin en étant croyant et sera la nuit mécréant, ou sera la nuit croyant et se réveillera mécréant. Il vendra sa religion pour des jouissances de ce bas monde. » Salama, radiallahu anha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se réveilla une nuit en sursaut et dit « Gloire à Allah! Quels sont les trésors qu'Allah a fait descendre? Et quels sont les troubles qu'Allah a fait descendre? Quel est celui qui réveillera les compagnes des appartements, c'est-à-dire ses épouses? Pour quel prix? Il se peut qu'une femme vêtue dans ce monde soit nue dans l'au-delà. » Rapporté par Al-Bukhari. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, rapporte « Le héros du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cria « La prière va être accomplie !» Nous groupâmes autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Il n'y eut de prophète avant moi sans que ce ne soit un devoir pour lui d'informer sa communauté au sujet de ce qu'il connaît pour eux de meilleur, et de les avertir de ce mal qu'il connaît pour eux de pire. » Le salut de votre communauté que voici a été accordé aux premiers parmi elles. Quant aux derniers, ils seront atteints par des épreuves et des choses que vous désapprouverez. L'épreuve viendra et chacune atténuera l'autre. L'épreuve viendra telle que le croyant dira « Celle-ci, celle-ci !» Quiconque souhaite être sauvé de l'enfer et entrer au paradis, que vienne sa mort alors qu'il croit en Allah et au jour dernier. » Rapporté par Muslim. Les hadiths relatant les troubles sont très nombreux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti sa communauté de ceci et leur a recommandé de s'en protéger. Il nous a informé que les derniers parmi cette communauté seront atteints de malheurs et de troubles graves, dont rien ne pourra les protéger si ce n'est la foi en Allah Azzawajal et au jour dernier. L'attachement au groupe des musulmans, qui sont les gens de la Sunna, même s'ils sont peu nombreux, l'éloignement des troubles et le fait de chercher refuge contre eux. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Implorez la protection d'Allah contre les troubles ». Tant ceux apparents que cachés. Rapporté par Muslim. L'apparition des troubles du côté de l'Orient. La plupart des troubles qui sont apparus aux musulmans ont connu leur source en Orient, là où se dresse la corne de Satan. Cela est conforme aux informations que le prophète de la miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam, nous a fournies. Ibn Umar, radiallahu anhuma, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, étant dirigé vers l'Orient, dire « Le trouble est certes par ici, le trouble est certes par ici, là où se dresse la corne de Satan. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon une version de Muslim, « La tête de l'incroyance vient d'ici, de là où se dresse la corne du diable, c'est-à-dire l'Orient. » Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit une invocation. « Ô Allah, Accorde-nous la bénédiction dans notre Sa' et notre Moud, et accorde-nous la bénédiction dans notre Sham et notre Yémen. » Un homme de l'assemblée dit, « Ô prophète d'Allah, et dans notre Irak ?» Et lui de dire, sallallahu alayhi wa sallam, « Là se trouve la corne de Satan, et sont attisés les troubles, la rudesse est certes en Orient. » Ibn Hajar, rahimahullah, dit, « Les premiers troubles ont trouvé leur source du côté de l'Orient, ce qui fut une cause de division entre les musulmans, chose qu'aime le diable et qui le réjouit. Les innovations également ont trouvé leur source de ce côté. » Ainsi, en Irak sont apparus les dissidents, les chiites, les rafidites, les ésotériques, les qadarites, les jahmites, les mu'tazilites, et la plupart des professions d'incroyance ont trouvé leur source en Orient du côté des Perses mazdéens. Nous trouvons parmi celles-ci le zardachisme, le manaouisme, le mousdachisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le qadianisme et le bahisme, ainsi que d'autres sectes destructrices. Également, l'apparition des Tatars au 7e siècle de l'Égypte était en Orient. Ils étaient la cause de destruction, de meurtres et de méfaits graves relatés dans les livres d'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, l'Orient ne cesse d'être la source de troubles, de méfaits, d'innovations, de légendes et d'athéisme. Le communisme est ainsi centralisé en Russie et en Chine qui se trouvent en Orient. De même, l'apparition du faux Messie et la sortie de Ya'juj et Ma'juj seront du côté de l'Orient. Nous demandons à Allah protection contre les troubles, qu'ils soient apparents ou cachés. Il m'incombe en outre de souligner que certains troubles figurent parmi les signes de la fin des temps mentionnés par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tels que le combat de Siffin et l'apparition des Kharijites. Je développerai en détail quelques-uns de ces troubles importants qui furent la cause de la division des musulmans et de l'apparition d'un grand mal. L'assassinat de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. L'apparition des troubles au temps des compagnons, radiyallahu anhum, eut lieu après l'assassinat du prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, car il était la porte bloquant l'accès aux troubles. Après son assassinat, les grands désordres firent leur apparition, ainsi que leurs partisans parmi ceux dont la foi n'était pas stable dans le cœur, et parmi les hypocrites qui montraient aux gens le bien, mais cachaient en eux le mal, et leurs complots envers cette religion. Nous trouvons dans les deux sahih, d'après Hudhayfa, radiyallahu anhu, que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a dit: Lequel d'entre vous a-t-il mémorisé les propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant le trouble? Hudhayfa, radiyallahu anhu, dit: Moi, j'ai retenu ce qu'il a dit. Et lui de dire: Donne, tu es bien courageux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: L'épreuve de l'homme dans sa famille, ses biens et son voisin est dissipée par la prière, l'aumône, la recommandation du bien et l'interdiction du blâmable. Il ne s'agit pas de cela, mais bien de celles qui s'élèvent telles les vagues de la mer. Ô prince des croyants, tu n'as pas à t'en faire à son sujet, il y a entre toi et elle une porte fermée. La porte sera ouverte ou enfoncée? Non, elle sera plutôt enfoncée. Elle ne se refermera donc plus. Connaît-on ce qu'est cette porte? Oui, de même qu'avant-demain, il y aura une nuit. Je lui rapportai une parole qui n'est pas fausse. Nous appréhendâmes toutefois de le questionner, et ordonnâmes à Masrouq de le faire. Il le questionna en demandant « Quelle est cette porte ?» et lui de dire « Omar. » Rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé ses produits, et Omar radiyallahu anhu fut assassiné. La porte fut enfoncée et les troubles firent leurs apparitions. Le premier trouble qui apparut fut l'assassinat du calife bien guidé Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, orchestré par un groupe de malfaiteurs d'Irak et d'Égypte qui se sont retournés contre lui. Ils arrivèrent à Médine et le tuèrent alors qu'il se trouvait dans sa maison, qu'Allah le comble de son agrément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam indiqua à Uthman radiyallahu anhu qu'il serait atteint d'un malheur, c'est pour cette raison qu'il patienta et interdit aux compagnons radiyallahu anhum de combattre les dissidents afin que le sang ne soit pas versé à cause de lui. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit dans l'un des jardins de Médine. Il cita le hadith jusque Uthman radiyallahu anhu vint alors et je dis: Reste où tu es jusqu'à ce que je demande la permission que tu entres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: Permets-lui d'entrer et annonce-lui le paradis ainsi qu'un malheur qui le touchera. Rapporté par Al-Bukhari. En parlant de malheur, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié Othman radiallahu an, bien que Omar fût également assassiné. Ceci car Omar ne fut pas éprouvé de la même manière que le fut Othman radiallahu an, de la part de ceux qui se soulevèrent et désiraient qu'il abdique de son califat, à cause de ce qu'il lui attribuait comme injustice et oppression, malgré qu'il les ait convaincus du contraire et les ait réfutés. Après l'assassinat de Othman radiallahu an, les musulmans se divisèrent et les compagnons eurent à se combattre. Les troubles et les passions se propagèrent, les divergences s'accentuèrent et les opinions divergèrent. Il y eut de sanglants combats au temps des compagnons radiallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait ce qui arriverait comme trouble à leur époque. Il s'éleva au-dessus de l'un des fortins de Médine et dit « Voyez-vous ce que je vois ?» Et eux de dire « Non ». Il répliqua « Je vois certes les troubles qui se produiront dans vos demeures, telle la pluie qui tombe. » Rapporté par Muslim. An-Nawawi rahimahullah dit « La comparaison avec la chute de pluie est relative au nombre et à la majorité, c'est-à-dire, ils seront nombreux et toucheront la plupart des gens, n'étant pas spécifiques uniquement à un groupe. Cela désigne les guerres qui eurent lieu entre eux, telles que la bataille du chameau, Sifin, Al-Harra, l'assassinat de Uthman et d'Al-Hussein, radiallahu anhuma, ainsi que d'autres. C'est également un miracle manifeste qui lui a été accordé, sallallahu alayhi wa sallam. La bataille du chameau. Parmi les troubles qui se produisirent après l'assassinat de Uthman, radiallahu anhu, figure la célèbre bataille du chameau entre Ali et Aïcha, Talha et Az-Zubayr, radiallahu anhum. En effet, lorsque Uthman fut assassiné, les gens vinrent trouver Ali, radiallahu an, à Médine et lui dirent « Tends ta main que nous te prêtions allégeance. » Il dit « Lorsque les gens se seront consultés. » Certains d'entre eux dirent « Si les gens retournent chez eux après l'assassinat de Uthman et que personne ne se dresse après lui, on ne peut garantir qu'il n'y ait de divergence et de corruption dans la communauté. » Ils insistèrent auprès de Ali, radiallahu an, pour qu'il accepte l'allégeance. Ils lui prêtèrent donc allégeance et parmi ceux-ci figuraient Talha et Az-Zubayr, radiallahu anhuma. Ils se rendirent à la Mecque pour accomplir la Umra. Aïcha, radiallahu anha, les rencontra, et après avoir eu une discussion au sujet de l'assassinat de Uthman, radiallahu an, ils se dirigèrent vers Bassora, et demandèrent à Ali de leur livrer les assassins de Uthman. Il ne répondit pas à cette demande, car il attendait que les gouverneurs de Uthman en réfèrent à lui. Et si quelqu'un était désigné comme étant l'un des assassins de Uthman, la loi du talion serait appliquée sur lui. Ils divergèrent à ce sujet. Ceux qui furent désignés comme étant des assassins, il s'agit de ceux qui se sont révoltés contre Uthman, radiallahu an, craignaient qu'ils ne se mettent d'accord pour les tuer. Ils provoquèrent alors la guerre entre les deux parties. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait informé Ali, radiallahu an, qu'il y aurait entre lui et Aïcha une affaire. Abu Rafi' rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, il y aura entre toi et Aïcha une affaire. Il s'exclama, moi, ô messager d'Allah? Et lieu de dire, oui. Il dit, je suis donc le plus mauvais d'entre eux, ô messager d'Allah. Il dit, non. Mais quand cela aura lieu, renvoie-la à son refuge. Ce qui prouve que Aïcha radiyallahu anha, Talha et Az-Zubayr radiyallahu anhuma n'étaient pas sortis pour le combat, mais bien pour réconcilier les musulmans. C'est ce que rapporte Al-Hakim selon Qais ibn Abi Hazim qui dit « Quand Aïcha radiallahu anha arriva près de certaines demeures des Banu Amir, des chiens se mirent à aboyer sur elle et elle demanda « De quel point d'eau s'agit-il ?» Ils répondirent « Al-Aw'ab ». Elle dit « Je crois bien que je vais faire demi-tour. » Az-Zubayr radiallahu anha lui dit « Pas encore, avance pour que les gens te voient et qu'Allah les réconcilie. » Et elle de dire, je crois bien que je vais faire demi-tour. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, qu'en sera-t-il de l'une de vous quand les chiens d'Al-Aw'ab aboieront sur elle? Selon une version d'Al-Bazar, d'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à ses épouses, laquelle de vous est la compagne du chameau à la face couverte de poils qui sortira et sera aboyée par les chiens d'Al-Aw'ab? À sa droite et à sa gauche sera tué un grand nombre de personnes, mais elle sera sauve après qu'elle ait failli être tuée. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit « Aïcha n'était pas sortie pour le combat, mais dans l'intention de réconcilier les musulmans. Elle pensait que dans son acte, il y aurait un bien pour les musulmans, mais il lui apparut par la suite qu'il était préférable pour elle de ne pas sortir. C'est pourquoi, quand elle se rappelait de sa sortie, elle pleurait jusqu'à mouiller son voile. Ce fut le cas pour l'ensemble des précurseurs. Tous regrettaient d'avoir participé au combat. Talha, Az-Zubayr et Ali, tous le regrettèrent, radiallahu anhum. Le jour du chameau, cela n'avait pas l'intention de combattre, mais le combat eut lieu sans qu'ils n'eurent le choix. Quand Ali, Talha et Az-Zubayr, radiallahu anhum, correspondirent par lettre, ils décidèrent de se réconcilier. Et une fois la stabilité retrouvée, ils s'occuperaient des assassins de Uthman, les instigateurs du trouble. Ali, radiallahu anhum, désapprouvait l'assassinat de Uthman, radiallahu anhum, et il n'y avait pas non plus participé. Il jurait et disait « Par Allah, je n'ai point tué Uthman et je n'ai pas aidé à son assassinat. » Il ne pouvait qu'être sincère dans son serment. Les assassins eurent peur que Ali, radiallahu anhu, se mette d'accord avec les autres pour les appréhender. Ils donnèrent alors l'assaut contre la troupe de Talha et d'Az-Zubayr. Ceux-ci crurent que Ali donnait l'assaut contre eux. C'est pourquoi ils se mirent à combattre pour se défendre. Et Ali, radiallahu anhu, pensant qu'il lançait l'assaut contre lui, se mit à combattre pour se défendre. C'est ainsi que la dissension eut lieu sans qu'ils n'en eurent le choix. Aïcha, radiallahu anha, était sur sa monture, elle n'a pas participé au combat et n'a pas non plus ordonné de combattre. C'est ce qu'a mentionné tout un chacun qui a connaissance des informations historiques. La bataille de Siffin. L'un des troubles qui se produisit entre les compagnons radiallahu anhum en dehors de la bataille du chameau a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'heure ne viendra pas, jusqu'à ce que deux grandes troupes se combattent. Il y aura entre eux une grande tuerie alors que leur prêche est le même. Rapporté par Muslim. Les deux troupes sont le groupe de Ali, radiallahu anhu, et ses partisans, et le groupe de Muawiyah et de ses partisans, radiallahu anhu, selon ce qu'a cité Ibn Hajar dans Al-Fath. Al-Bazar rapporte avec une bonne chaîne de transmission, selon Zayd ibn Wahb, qui a dit « Nous nous trouvions chez Hudayfa, qui dit « Qu'en est-il de vous, alors que les adeptes de votre religion se frappent l'un l'autre le visage à l'épée ?» Ils dirent « Que nous ordonnes-tu » et lui de répondre « Dirigez-vous vers le groupe supportant l'avis de Ali et attachez-vous-y, car il est dans la vérité. » En effet, une guerre eut lieu entre les deux parties dans la bataille connue de Siffin, le mois de Dhul-Hijja, en l'an 36 de l'Hégire. Ces deux troupes comptaient plus de 70 garnisons, et près de 70 000 hommes des deux camps trouvèrent la mort. Le combat entre Ali et Muawiyah, radiallahu anhuma, n'a été voulu par aucun d'entre eux, car il y avait dans les deux groupes un grand nombre d'hommes égarés dominants qui incitaient au combat, ce qui a donné lieu à ces guerres meurtrières et à la perte du contrôle de la situation par Ali et Muawiyah, radiallahu anhuma. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit « La plupart de ceux qui désiraient le combat dans les deux groupes n'obéissaient ni à Ali ni à Muawiyah, radiallahu anhuma. Ali et Muawiyah, radiallahu anhuma, désiraient plus que tous ceux qui s'entretuaient arrêter les fusions de sang, mais ils furent dépassés par les événements. D'ailleurs, quand le trouble est attisé, les sages sont incapables d'éteindre son foyer. » Dans les troupes, il y avait Al-Ashtar al-Nakha'i, Hashim ibn Udba al-Mirqal, Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid et Abul Awar al-Salmi, ainsi que d'autres qui poussaient au combat. Certains prenaient totalement cause pour Uthman, tandis que d'autres le reniaient, et certains prenaient cause pour Ali quand d'autres le reniaient. De plus, le combat des partisans de Muawiyah, radiallahu anhu, n'était pas uniquement pour Muawiyah, mais pour d'autres raisons. Le combat durant le trouble est comparable au combat durant la période de l'ignorance. On ne peut spécifier les intentions de ses participants et leurs croyances, comme le dit Az-Zuhri, rahimahullah. Le trouble est survenu alors que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient nombreux. Ils convinrent que tout sang, bien ou honneur qui aurait été atteint suite à une interprétation du Coran n'est que futilité, les comparant à un acte de l'ignorance. L'apparition des Kharijites. L'un des troubles fut l'apparition des dissidents contre Ali, radiallahu anhu. Ce fut après la fin de la bataille de Siffin et l'accord entre les gens d'Irak et du Chem quant à l'arbitrage entre les deux parties. Durant le retour de Ali vers Koufa, les dissidents se séparèrent de lui alors qu'il se trouvait dans son armée. Ils gagnèrent un endroit appelé Haroura, et leur nombre était 8 000. On dit également 16 000. Ali, radiallahu anhu, leur envoya Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui débattit avec eux. Certains retournèrent avec lui et sous l'autorité de Ali. Les dissidents propagèrent que Ali, radiallahu anhu, s'était repenti de l'arbitrage. C'est pour cette raison que certains retournèrent sous son autorité. Ali, radiallahu anhu, leur donna un sermon dans la mosquée de Koufa. Ils s'interpellèrent des côtés de la mosquée. Il n'y a de jugement que celui d'Allah. Et ils dirent, tu as commis l'association et tu as permis aux hommes de juger au lieu de prendre pour juge le livre d'Allah. Ali, radiallahu anh, leur répondit, de nous, vous avez droit à trois choses, qu'on ne vous interdise pas les mosquées, ni votre droit au butin, et que nous ne commencions pas à vous combattre tant que vous ne commettez aucun méfait. Ensuite, ils se rassemblèrent et tuèrent ceux qui passèrent devant eux parmi les musulmans. Abdallah ibn Khabab ibn al-Art passa devant eux avec son épouse. Ils le tuèrent et éventrèrent son épouse qui portait un enfant. Quand le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anh, prit connaissance de cela, et qu'il leur demanda qui l'avait tué, ils répondirent « Nous l'avons tous tué ». Ali radiallahu anh se prépara au combat et les rencontra dans la bataille connue de Nahrawan. Il leur infligea une sévère défaite et peu d'entre eux en réchappèrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit l'apparition de ce groupe au sein de cette communauté et les hadiths ont atteint le degré du notoire à ce propos. L'érudit Ibn Kathir, rahimahullah, en cite plus de 30 mentionnés dans les Sahih, les Sunan et les Musnad. Parmi ceux-ci, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anh, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Des renégats apparaîtront lors d'une division chez les musulmans. Le plus en droit des deux groupes les tuera. » Lorsqu'il fut questionné au sujet d'Al-Haruriyya, il dit « Je ne sais pas ce qu'est Al-Haruriyya. J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Il apparaîtra dans cette communauté, et il n'a pas dit de celle-ci, un groupe dont vous mépriserez votre prière en comparaison à la leur. Ils récitent le Coran sans qu'ils ne dépassent leur gorge ou leur gosier. Ils sortent de la religion telle la flèche sort de la cible. » Rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également ordonné de combattre les dissidents et a souligné que dans le fait de les tuer, il y a une récompense pour celui qui les aura tués. Ce qui est la preuve du mal de ce groupe et de son éloignement de l'islam ainsi que de son effet très néfaste sur la communauté, vu les troubles et tracas qu'ils engendrent. Nous trouvons dans les deux sahih, d'après Ali radiallahu anhu qui a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Un groupe apparaîtra à la fin des temps, d'âge jeune, faible d'esprit, et proclamant les paroles des meilleurs d'entre la création. Leur foi ne dépassera pas leur gorge. Ils sortent de la religion comme la flèche sort de sa cible. Où que vous les rencontriez, tuez-les. » Car il y a dans leur assassinat une récompense le jour de la résurrection pour celui qui les tue. Rapporté par Al-Bukhari. L'imam Al-Bukhari, rahimahullah, dit Ibn Omar, radiallahu anhuma, les considérait comme les pires parmi la création d'Allah et disait « Ils prenaient des versets qui ont été révélés au sujet des mécréants et les appliquaient aux croyants. » L'érudit Ibn Hajar, rahimahullah, dit « Avec eux, le trouble s'est accentué. Ils sont allés encore plus loin dans leurs croyances erronées. Ils ont aboli la lapidation de l'homme marié et ont coupé la main du voleur jusqu'à l'aisselle. Ils ont considéré obligatoire pour la femme qui a ses règles de prier et ont considéré comme mécréant celui qui délaisse le fait de commander le bien et d'interdire le blâmable quand il en est capable. Et quand il en est incapable, il commet un péché majeur. Le statut de celui qui commet un péché majeur pour eux est celui du mécréant. Ils refusent également la taxe payée par les dhimmis et se détournent complètement d'eux. Ils assassinaient, faisaient prisonniers et pillaient ceux qui s'attribuaient de l'islam. Les dissidents ne cesseront d'apparaître, et ce jusqu'à ce que leur dernier rencontre le faux messie. Ibn Omar, radiallahu anhuma, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un groupe apparaîtra, et ils réciteront le Coran sans qu'ils ne dépassent leur gorge. Chaque fois qu'une partie d'entre eux apparaîtra, elle sera décimée. » Ibn Omar, radiallahu anhuma, a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Chaque fois qu'une partie d'entre eux apparaîtra, elle sera décimée. » Il dit cela plus de 20 fois jusqu'à ce qu'apparaisse de leurs troupes le faux messie. » La bataille d'Al-Harra. D'autres épreuves eurent lieu, dont la bataille célèbre d'Al-Harra, du temps de Yazid ibn Muawiyah, dans laquelle la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut violée et de nombreux compagnons radiallahu anhum furent tués. Sa'id ibn al-Musayyib dit « Le premier trouble se produisit, et plus aucun de ceux qui participèrent à la bataille de Badr ne survécut. Puis le deuxième arriva, et plus personne de ceux qui assistèrent à Al-Hudaybiyah ne survécut. » Il rajoute « Et je crois que s'il y en avait eu un troisième, plus aucun bien n'arriverait aux gens. » Al-Barawi rahimahullah dit « Il désignait par le premier trouble l'assassinat de Uthman, et par le deuxième la bataille d'Al-Harra. » Le trouble de la profession de la création du Coran. C'est à l'époque des Abbassides qu'apparut le trouble de la profession concernant la création du Coran, opinion qui avait été conduite par le calife Abbaside al-Ma'moun. Il défendit et suivit cet avis qui lui avait été prôné par les Jahmites et les Mu'tazilites, ce qui fut la cause de persécution des savants de l'islam et amena un grand mal aux musulmans. Ceci les préoccupa durant une longue période et fit entrer dans la croyance des musulmans ce qui n'en faisait pas partie. Ceci dit, les autres troubles étaient nombreux et encore maintenant ceux-ci ne cessent d'apparaître et de suivre et de s'accentuer. À cause de ces troubles et d'autres, les musulmans se divisèrent en plusieurs groupes, chacun appelant au sien et prétendant être sur la vérité, clamant que tout autre est dans le faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait informé de la division de cette communauté de la même manière que les communautés précédentes s'étaient divisées. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les juifs se sont divisés en 71 ou 72 groupes, les chrétiens se sont divisés en 71 ou 72 groupes et ma communauté se divisera en 73 groupes. » Rapporté par Tirmidhi. Abu Amir, Abdallah ibn Luhay dit « Nous accomplîmes le pèlerinage avec Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et quand nous arrivâmes à la Mecque, il accomplit la prière du Dhuhr et dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens des deux livres se sont divisés dans leur religion en 72 doctrines, et cette communauté se divisera en 73 doctrines. Toutes seront en enfer sauf une, et c'est l'unité, al-jama'a. Il y aura dans ma communauté des gens qui seront submergés par ces passions, telle la rage qui atteint une personne. Il n'y a de veine ni d'articulation sans qu'elle n'y pénètre. » Par Allah, ô les Arabes, si vous n'appliquez pas ce que votre prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, il est certain que d'autres que vous d'entre les gens ne le feront pas à plus forte raison. L'observance des traditions des communautés précédentes. Parmi les grands troubles figure le fait de suivre les traditions des juifs et des chrétiens et de les imiter. Certes, certains musulmans ont imité les mécréants, leur ont ressemblé, ont suivi leur comportement et ont de l'admiration pour eux. Ceci est la confirmation de la prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que ma communauté ne suive les traces des communautés précédentes, en pan par en pan et coudée par coudée. » On demanda « Ô messager d'Allah, comme les Perses et les Romains ?» Et lui de dire « Et qui sinon eux ?» Rapporté par Al-Bukhari. Selon une version rapportée par Abu Sa'id, radiallahu anhu, nous demandâmes « Ô messager d'Allah, les juifs et les chrétiens ?» Il dit « Qui d'autre donc ?» Rapporté également par Al-Bukhari. Ibn Batal, rahimahullah, dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que sa communauté suivra les choses nouvelles, les innovations et les passions, comme cela s'est produit pour les communautés précédentes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit dans de nombreux hadiths que la fin sera mauvaise, que l'heure n'arrivera que lorsqu'il ne restera que les pires d'entre les gens et que la religion restera présente auprès d'une élite parmi les gens. Ibn Hajar, rahimahullah, dit « La plupart de ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde s'est produit et le reste arrivera. » À notre époque, beaucoup de musulmans imitent les mécréants, qu'ils soient occidentaux ou orientaux. Nos hommes imitent leurs hommes et nos femmes imitent les leurs. Ceux-ci les ont troublés au point que certains sont sortis de l'islam en croyant qu'ils ne pourront jamais évoluer s'ils ne délaissent pas le Coran et la Sunna. Quant à celui qui connaît l'islam authentique, il sait où en sont arrivés les musulmans dans les siècles derniers dans leur éloignement des enseignements de l'islam et leur détournement de son dogme. Il ne reste chez certains de l'islam plus que le nom, car ils appliquent les lois des mécréants et se détournent de la loi divine. On ne pourrait faire de meilleure description des musulmans quant à leur imitation des mécréants que celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « en pan par en pan et coudé par coudé, au point que s'ils entraient dans le terrier d'un lézard, vous les suivriez. » An-Nawawi rahimahullah dit « La signification de l'empan, de la coudée et du terrier de lézard est de donner un exemple de leur forte conformité avec eux. Cette concordance s'applique au péché et aux transgressions, et non à la mécréance. De plus, il y a en cela un miracle apparent pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car ce dont il a informé s'est produit. Ceci étant, les troubles sont indénombrables, celui des femmes, de l'argent, de l'amour des passions et de l'amour du pouvoir, de l'autorité du commandement, tout ceci sont des troubles qui peuvent faire sombrer la personne et la pousser dans le précipice de la perdition. Nous implorons d'Allah l'assistance et le salut.